Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons louer l'Éternel. Amen. Nous les louons pour deux raisons majeures. La première raison, nous louons le Seigneur parce qu'il nous a créés. Tout ce que nous voyons sur la terre, et ce que nous voyons, et ce que nous ne voyons pas, a été créé par Dieu. Même si quelqu'un ne croit pas. Attends, toi, Chamin. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Lakini ni Mungu ari Muumba. Et il existe par sa volonté. Na ego ako njuko kumfikia mapenzi yake. Tellement de ça. Ni jutu ya ile que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc on ne peut pas s'y na kumjika msifu wa milele. La deuxième raison majeure. Sababu ya pili ya kabaila. Nous le louons. Ni juu ya ile tuko na msifu. Il nous a racheté. Ari kukomboa. Ah, oh, ça c'est merveilleux. Peut-être de toute ta famille, tu es le seul que Dieu a créé. Ah, oui, parmi tes collègues, tu es le seul que le Seigneur a attiré. Ici à Kambo, il y a beaucoup de gens. Mais de tous ces gens, c'est vous que Dieu a attiré. Que Dieu soit loué pour son salut. Je vous pose une petite question. Parce que nous avons chanté un cantique qui disait, quand les saints entreront, qui croit ce matin, il sera réveillé. Je veux un peu monter la barre. Si on nous disait qu'ici à Kambo, il n'y aura que 5 personnes qui seront enlevées. Il n'y a que 5 places. Pas plus. Quand même, parmi les 5, je crois que Frère Pierre, quand même, c'est le pasteur. Frère Pierre, c'est lui notre berger. Frère Senga, c'est aussi un pasteur. Il ne faut pas se laisser passer. C'est un pasteur. Qui croit que parmi les 5, il est là. Ah, ça c'est merveilleux. Mais je vais encore monter la barre. Si il y a seulement une seule place. Pour Kambo. Parce que la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera pareil. Vous savez, au temps de Noé, il y avait combien de personnes? 8 seulement. Et vous savez qu'au temps de Lot, il y en avait combien? 3. Quand on parle de 8, 8 dans le monde entier, on avait seulement trouvé 8 personnes. En quelque sorte, 8 vainqueurs. Si nous voulons restreindre les cadres pour avoir un seul candidat ici à Kambo, n'oubliez pas que Frère Pierre, c'est lui le pasteur. Alors nous avons seulement une seule place. Et nous sommes en compétition pour avoir une seule place. D'autres diront, ah, il m'envoie le pasteur. Qui prendra cette place? Ah, alors, c'est merveilleux. Que Dieu bénisse. Attendez, je vous lis une citation. Vite, vite, là, de Frère Branham. Si je peux retrouver ça facilement, je crois que c'est le troisième saut. C'est ça, nous voulons avoir une église qui croit réellement. Nous voulons avoir une kanisa ile inamini vya kweli. Batu bakwamini. Des gens qui croient. Ah. Qui ne se sous-estime pas eux-mêmes. Bale, abajona sema bobi ko ba chini sana. Apana. Non. Dans les choses de Dieu, mambo il ne faut pas vous sous-estimer. Apana kujona se uku wa chini sana. Croyez que c'est vous. Amini asema ni wewe. que Dieu a appelé. Ce n'est pas une autre personne. Je vais vous encourager par cette citation de Frère Branham. Il en parle. Je crois que c'est dans le troisième saut. Oui. Troisième saut. J'aime des gens qui croient ce qu'ils sont réellement. Voilà. Nous ne venons pas pour nous amuser ou rigoler. Pour croire réellement. Ah oui. Dio. Moi aussi c'est ce que je dis. Dans le troisième saut, vous prendrez à partir du paragraphe 69. Il dit, je n'ai pas l'intention de vous faire peur. Non. Je pense que c'est ça. Je voudrais seulement vous dire ce qu'il a dit. Et vous le savez vous-même. Et qui arriva du temps de Noé, où 8 âmes furent sauvées par l'eau, 8 âmes dans le monde entier, sauvées par l'eau. Eh bien, vous dites, oh là là, ce n'est pas la peine que j'essaie. Ne vous découragez pas. Ça montre que vous n'avez pas le genre de foi dont vous avez besoin. Si déjà, dès le départ, vous dites ça ne vaut pas la peine que je m'engage dans cette aventure. S'il n'y a qu'un seul qui partira, ce sera moi. Branham le disait sur lui-même. Je crois de la même manière. Si dans cette salle, il y a une seule personne qui partira d'ici 5 minutes, je ne veux pas vous donner la chance. Je me donne la chance à moi-même. C'est ça faire. Je crois. Voyez. C'est comme ça que vous devez le croire. Oui. Dio. C'est sûr. J'aimerais vivre tellement près de lui que je suis certain qu'il va me prendre lorsqu'il viendra. Je le crois. C'est vrai. Si tous les autres les manquent, moi j'y serai. Par sa grâce. En effet, il me l'a promis. Et je sais que j'y serai. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et je sais que mon âme et ma vie rendent témoignage. Et que j'essaye de vivre chaque jour comme si c'était celui où il allait venir. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu parles? Ce n'est pas de la témérité. Non. Je dis seulement que c'est moi. Il dit, et ma vie, na maisha yangu, et mon âme, les témoignent. Et j'essaie de vivre chaque jour comme si c'était celui-là où il devait venir. C'est ça. Ah. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi je serai celui-là. Voilà. Quels doivent être vos sentiments? S'il y en a 8, je serai l'un de ces 8. S'il y en a 500, je serai l'un de ces 500. Je ne sais pas ce qu'il en est du voisin. Mais je veux être l'un de ces 500. Vous voyez? C'est de cette façon-là qu'il vous faut garder cela à l'esprit. Et si vous ne les gardez pas à l'esprit comme cela, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Vous voyez, vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes sauvé. Vous ne faites que les supporter. Ne les faites pas. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi que c'est vous qui partirez. Avant de lire l'écriture, vite, je m'en vais remercier notre pasteur qui m'a accordé le privilège d'être au milieu de vous. Ah, que Dieu le bénisse richement. Je bénis aussi toute sa maison qui m'a encadré comme on encadre un fils unique de la famille. Je bénis toute l'église pour votre hospitalité. Et selon moi, vous êtes un peuple très aimable. Voilà, vous êtes un peuple très aimable. Et je crois qu'à cause de votre bonne attitude, nous vous resterons redevables. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu, nous serons obligés de venir ici pour apporter la parole de Dieu. Si vous refusez, j'ai une belle église dans la maison du pasteur. Je pourrais rester là pour prêcher cette église-là. Ah, mais si Dieu nous garde, nous serons encore ici pour apporter la parole de Dieu. Et si Dieu le permet, demain je pourrai être à Lubumbashi. Est-ce que vous accepteriez que je transmette vos salutations partout où je passerai? Je vous demande une chose. C'est que vous puissiez prier seulement pour moi. Ça sera une grande bénédiction pour moi. Nous pouvons nous lever. Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si vous voulez que je pense à vous dans la prière, la petite prière que je vais formuler ce matin, vous pouvez lever votre main et je le ferai. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci. Tu nous as gardés, tu as conduit nos pas dans ta maison. Et tu as permis que nous puissions apporter ta parole durant ces jours parmi ton peuple. Que ton nom soit glorifié. C'est ton peuple que tu as racheté par ton sang. Nous venons le recommander entre tes mains. Toi qui es la source de toute bénédiction. Toi qui es l'auteur du salut. L'auteur de la vie éternelle. Toi à qui appartient toute grâce excellente et tout nom parfait. Seigneur, tu as dit, là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce matin, nous sommes en ce lieu, non pas au nom d'un homme, non pas au nom de l'Église, mais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple est dans les besoins. Derrière chaque main qui est levée, il y a une préoccupation. Si nous le disons à un homme, il sera incapable de résoudre tous nos problèmes. C'est pourquoi nous venons à toi. Toi qui as dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Répond à chaque requête. Résous chaque problème. Guéris toute maladie. Seigneur, bénis celui qui a besoin d'être béni. Dans la nouvelle essence à celui qui en a besoin. Donne le Saint-Esprit à celui qui en demande. Celui qui a besoin du travail. Des enfants. Batoto. De la femme. Du mari. Accorde-lui. Fais-le pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons dans la joie de te servir. Merci pour tous tes bienfaits. Bénis notre pasteur. Bénis notre pasteur Senga. Bénis tous les conseils de l'église. Bénis toute la chorale. Bénis les interprètes. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis nos maisons. Bénis nos entreprises. Bénis ta parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Maranatha. Que Dieu bénisse. On a vu que ce petit mot Maranatha. Tu risema tu paka isemu tu riona paka imusemu moya Maranatha. Exprime notre espérance dans la grande promesse que nous attendons pour le retour du Seigneur et tous les véritables croyants porte cette espérance. Même le croyant de l'Ancien Testament, nous avons vu Abraham, ils avaient aussi cette espérance. Ils croyaient qu'il y aurait la résurrection. Ils croyaient ça. Ils croyaient qu'il y a une vie qui devait continuer après la mort. Ils espéraient une ville d'en haut qui est la nouvelle Jérusalem. Et ils vivaient en conséquence. Et sur la terre, ils se comportaient comme des étrangers et comme des voyageurs. Quand vous voyez Jacob, cet homme qui était amené en Égypte, parce qu'il y avait son fils Joseph, avant sa mort, il avait recommandé à ses enfants que dès que je serai recueilli auprès de mes pères, ne laissez pas mes os pourrir ici en Égypte. Prenez tous mes os, veuillez les amener en Canaan. Il croyait que c'est là où devait se passer la résurrection. La résurrection des morts ne pouvait pas se passer en Égypte. Ils avaient cette foi. Même Joseph, qui avait fait venir sa famille en Égypte, avant de mourir, il avait demandé à ses frères, je sais que le Seigneur vous visitera un jour. Et ne commettez pas l'erreur de laisser mes os ici en Égypte. Dès que le Seigneur vous visitera, en partant de l'Égypte vers Canaan, veuillez récupérer tous mes os et amenez-le là-bas. Parce qu'il croyait que c'est là où se devait se passer la résurrection. Même Moïse, qui vivait dans le palais royal, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, Musa refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alikadhalika bamwita sema mwana wa binti ya Pharaon. Par la foi, kwa imani, il a accepté de souffrir avec le peuple de Dieu. Alichika kuteswa na taifa ya Mungu. Par la foi, kwa imani, il a accepté alichika la souffrance mateso avec le peuple de Dieu. Pamoja na taifa ya Mungu. Il a accepté l'opprobre de Christ. Haya ya Kristo. Et il le considérait comme une grande richesse. Que tous les trésors de l'Égypte, il a accepté de souffrir dans la foi, dans la parole, que la jouissance dans le péché. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'il avait des yeux sur la rémunération. Et cette rémunération, ce n'était pas une rémunération terrestre. Parce que dans le palais royal où il était, il avait le privilège d'être devenu le futur pharaon. Il a refusé cette jouissance dans le péché. Mais il avait la vue à une autre rémunération. C'est la rémunération céleste. Donc tous ces gens-là, ils croyaient en la résurrection. Ils croyaient en la nouvelle Jérusalem. Ils portaient une espérance vivante. Et tous les croyants dans le Nouveau Testament, comme Paul le dit, ils avaient la même espérance. Ils espéraient toujours participer à la première résurrection. Parce que la première résurrection était réservée pour les vainqueurs. La première résurrection et la transmutation iront ensemble. Se produiront ensemble. C'est réservé aux vainqueurs. Vous voyez, mes frères. Donc, maintenant que nous sommes ici, c'est ça l'espérance que nous devons porter dans notre cœur. Notre espérance n'est pas dans les choses matérielles. Et la Bible dit, si c'est seulement pour les choses de la terre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a beaucoup de gens qui se confient dans le Seigneur pour que le Seigneur les bénisse matériellement. Ce n'est pas ça notre espérance. Ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas notre cheval de bataille. C'est que nous poursuivons ici. C'est le retour de Christ. Ah, que Dieu bénisse. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 18 et nous irons jusqu'au verset 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que nous croyons comme ça? J'estime que les souffrances du temps présent, dans le temps présent, nous vivons dans les souffrances. Il y a des gens qui trompent dans les déterminations. Non, quand vous croyez, vous n'allez pas souffrir. Vous ne serez pas malheureux. C'est faux et archi faux. Les souffrances n'épargnent personne. Yo, ayepuke muntu, ayepuke que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, tous nous traversons les moments difficiles. Donc cela n'épargne personne. Mais un croyant, il a quelque chose de particulier. Il minimise cette souffrance. Nous estimons que la gloire de Dieu, elle sera tellement grande que les souffrances du temps présent sont très minimes. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les enfants de Dieu seront manifestés avant l'enlèvement. Vous serez manifestés. Dieu devra montrer au monde entier. Aujourd'hui, nous vivons dans la confusion. On ne sait pas finalement qui est chrétien. Il n'est pas réellement. Mais Dieu fera la différence avant l'enlèvement. Quel que soit le nombre d'églises ici à Kambo, il y a beaucoup de croyants. Et chaque groupe dit, c'est nous qui avons la vérité. Chaque groupe dit, c'est nous qui avons la vérité. Ok, nous allons de l'avant. Il n'y a pas de problème. Un jour, ce n'est pas un homme qui fera la différence. Dieu lui-même viendra manifester ses enfants. Et même la création, elle attend voir la manifestation de ses enfants. Les enfants de Dieu, ils seront manifestés. Les chiens verront le véritable fils de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez voir un chien. Il est à la recherche de la nourriture. Comme nos chiens ne sont pas souvent bien encadrés, il peut entrer dans votre parcelle. Il va pas entrer dans votre maison. Il va peut-être à la poubelle là-bas. Il trouve qu'il y a des os. Il veut juste se contenter de ses os. Et vous, par votre méchanceté, vous prenez un caillou, allez, vous le lapidez. Le chien crie, il pleure, il crie, il se lamente de douleur. Et il va s'arrêter dans le coin là-bas de la rue. Il te regarde. Il allé manger la viande dans sa casserole. Et il se pose la question. C'est ça les enfants de Dieu que nous attendons voir. Et là, le chien n'est pas d'accord. C'est ceux-là que nous voyons, nous attendons être manifestés. Le chien vous regrette. Il va s'étonner. Mais avant l'enlèvement, les chiens verront les enfants de Dieu. Les chats verront. Même les arbres verront. Parce que Dieu lui-même qui devra les manifester. Ils verront que réellement, Dieu va tout amour manifester. Et quand la création verra la manifestation des enfants, elle va jubiler. Pourquoi? Elle dira que comme les enfants de Dieu sont manifestés, sont affranchis, nous aussi, c'est maintenant notre tour. Et nous aussi, très bientôt, nous serons aussi affranchis. Même la création sera aussi affranchie. Mais ça sera dans le millénium. Alors la Bible dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Mais à cause de celui qui lui a soumis. Cette création, elle a aussi été corrompue par la chute de l'homme. La création aussi a chuté par la chute de l'homme. La mort n'a pas seulement atteint les hommes. La mort a atteint aussi les arbres. La mort a atteint aussi les animaux. La mort a atteint toute la création. Non pas selon son gré. C'est l'homme qui a soumis cette création à la vanité. Nous l'avons soumis à la correction. C'est l'homme qui a corrompu toute la création. Et depuis lors, la création souffre aussi. Alors, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la création espère aussi qu'elle sera un jour affranchie. Elle sera délivrée. Et quand elle sera délivrée, elle prendra part à la liberté. Oui, Dio, des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans les millénaires, la création sera affranchie. Maumbile, et le péché, Zambi, le diable sera arrêté. Shetani, sera au cachot. Il n'y aura pas de péché dans le millénaire. Et dans le millénium, même la création vivra dans l'harmonie. Oui, la Bible dit, même un petit enfant pourra jouer avec la panthère. Il n'y a pas de Il ne fait rien. Le léopard et la gazelle marcheront ensemble en train de brouter l'herbe. Il n'y aura pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, même en brousse, il n'y a pas la paix. Même les lions, ils créent aussi. Vous voyez, mes frères, même dans l'eau, il n'y a pas la paix. À cause du péché. Ah, donc le péché a perverti tout. Au verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création souffre. Les hommes tombent malades. Les arbres tombent malades. Les animaux tombent malades. Les poissons tombent malades. Les hommes meurent. Les arbres aussi meurent. Les animaux aussi meurent. Toute la création meurt. Et c'est vrai. Nous partageons les mêmes souffrances. Les animaux avortent. Les femmes aussi avortent. Cela arrive chez tout le monde. Si nous disons que non, c'est seulement l'homme. Et vous allez imputer la mort de l'homme ou de l'autre. Non, c'est tel qui l'a tué. Même les animaux meurent. Non seulement on va les chasser. Ils meurent. Il y en a qui meurent de maladies. La foudre ici. Elle frappe les arbres. En brousse. Tu peux trouver un arbre abattu par les foudres. C'est une charge, la foudre c'est une charge électrique. Radio ni charge électrique. C'est un fait naturel. Ni moto tu y a fili. C'est même fait naturel. Il est moto et moyen. Peut frapper sur la maison. Il est coupé par nyumba. C'est vrai, Nani kweli. Et quand ça frappe sur la maison, ikipiga pa nyumba, elle peut causer des dégâts. Il est kufanya mauharibifu. Ça peut tuer quelqu'un. Il est kuua mutu. Quelqu'un peut mourir par le coup de foudre à la maison. Mtu anaweza kufa njoo radi na mpiga kunyumba. Eh, les gens diront toujours, la foudre, c'est un fait naturel. Même en brousse où il n'y a pas de gens, elle frappe les arbres. Et même un animal peut être frappé. Elle est tuée sur les gens. C'est une charge électrique. Mais qui est tout à fait naturelle. Elle ne boulange pas. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Beaucoup sont ignorants. Et à cause de Bujinga. Et à cause de cette ignorance. Camarade, il a piqué. Quand la foudre tombe. Oh, Baramoua. Oh non, il a été tué. Ah ben, Anakoufoua, naturellement. Il est mort, quoi, qui a... Allez, intéressez-vous. Mwende mkajike kunaisha. Voilà pourquoi les blancs mettent ils les bimbina combanisha. Vous voyez, que Dieu bénisse. Nous partageons les mêmes souffrances avec la création. C'est pourquoi elle la création soupire et elle gémit. Et nous les hommes, nous gémitons. Et la Bible dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes. En entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Même nous soupirons à nous-mêmes. Nous gémissons. Nous souffrons dans ce corps. Parce que ce corps n'est pas encore racheté. Tout simplement. C'est pourquoi nous tombons malades. C'est pourquoi nous vieillissons. C'est pourquoi nous souffrons. Nous sommes soumis à la servitude, à cause de ce corps qui n'est pas encore accepté. Même si vous prenez soin de votre corps, la maladie va vous frapper toujours. Frère Branham disait, nous ne sommes pas immunisés contre les maladies. Nous ne sommes pas immunisés contre la mort. Lufu. Nous ne sommes pas immunisés contre les tentations. Majaribu. Oui. Dio. Parce que nous sommes dans la chair, il n'est pas encore racheté. Il est aïe à kombolewa. Que le Seigneur nous assiste. Oui, mes frères. Dio, dans cette condition, nous sommes soumis. Tuiko. Nous avons besoin de la foi. Tukuna lazima et ya nous avons besoin de regarder au Seigneur. Tukuna lazima ya kuona buwana, lui seul peut nous aider. Ye peke yake anaweza kutusaidia. Si la création a l'espérance, kama maumbile iko na tumaini, qu'elle sera rachetée, ya kusema itakombolewa, qu'elle sera délivrée, ya kusema itakombolewa, de la servitude, kuma utumwa. À combien plus forte raison nous les hommes. C'est pourquoi, même si vous avez une maladie que la médecine a déclarée incurable, un croyant vit par la foi. Et vivre par la foi, si le médecin a dit, en tout cas selon les examens, selon les diagnostics, en tout cas, vous n'avez pas l'espoir de vivre encore sur cette terre. Ça, c'est le médecin qui a dit ça. Mais Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Nous vivons par la foi. Et nous ne regardons pas aux circonstances. Un croyant regarde comme promesse. Oui. Regardez la promesse de Dieu. Si vous regardez la promesse, qu'est-ce que Dieu lui dira? Lui dira que par tes maîtrises, vous êtes déjà guéri. Espérez sur ça. Alors, si le Seigneur permet que je parte, il n'y a pas de problème. Nous pouvons encore espérer. Il y a une promesse que nous les croyants qui mourront en Christ, nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter. C'est pourquoi une maladie incurable chez les croyants, ça n'existe pas. Si Dieu ne te guérit pas aujourd'hui, par la résurrection, tu seras totalement dans la bonne santé. À la résurrection, Il n'y aura pas de ressuscité infirme. Hakuna wa kufufuka mwa kilema. Il n'y aura pas de ressuscité avec galvici. Hakuna wa kufufuka na ribala. Aïda vous l'avez. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera ressuscité. Hakuna mtu atafufuliwa. Na mama len. Na mgia kumumaluma. Ça ne va pas exister. Non, habita kuya. Ça ne va pas exister. Habita kuya. Vous allez ressusciter parfait. Vous allez ressusciter fort. Vous allez ressusciter jeune. Beau. Oh, ça sera comme ça, frère. Et quand vous allez ressusciter, éternel. Éternel. Avec l'éternel. C'est comme ça que nous devons continuer. C'est pourquoi nous attendons la rédemption de notre corps. C'est avec la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et quand il vient, il vous rachète. Vous allez seulement sortir de votre corps d'humiliation et vous allez revêtir un corps de gloire. Un corps de gloire. Ça sera ça notre finalité. Par le retour de Christ, nous allons passer du corps d'humiliation à un corps de gloire. Voilà les choses que nous avons. Voilà les choses que, en quoi nous espérons. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3. Du premier verset au verset 3. Rufika... Voyez que l'amour le Père nous a témoigné. Angarieni ni mapendo kani Mungu, ou que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu pate kuitwa bana ya Mungu. Et nous le sommes. Na njoo vile tuiko. Ça c'est merveilleux. Hii ni adamani kabisa. Et la Bible dit, na Biblia si le monde ne nous connaît pas, kama dunia itujui, c'est qu'il n'a pas connu. Il sema, aiku ya mujuwaka yeye. Aye mwenye kumjua. Ils n'ont jamais connu. Abu mutambuwaka pas. Ils n'ont jamais reconnu. Quelle grâce. Ni nema. Voyez quel privilège. Angarie ni neba faida gani. Vous qui étiez enfants des hommes, mwe mulikuwa batoto ya bantu, Dieu a fait de vous enfants de Dieu. Mungu anafanya mnakuwa batoto ya Mungu. Ça, c'est la haute vocation. Hii ndio mwito ya yulu sana. La haute. Ya yulu. C'est plus que devenir gouverneur. Ile inapita takuwa mliwali. Plus que devenir ministre. Inapita takuwa waziri. C'est plus que appelé honorable. Inapita kuitwa mheshimiwa. Enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. C'est au-delà de tout ça. Ile inapita hivi vyote. Amen. Enfant de Dieu. Mwana wa Mungu. C'est plus que tout le monde à Gabon. Inapita bantu bote mpango. C'est plus que PDG. Kupita ta PDG. Nous avons été appelés. Turitwa. À une haute vocation. Mwito ya yulu sana. Enfant du Très-Haut. Bantoto ya aliye juu sana. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Si le monde ne connaît pas notre identité. Kama dunia haitujui, haijui kile tu. Et ne connaît pas que nous sommes les véritables enfants de Dieu. Haitambue sema shii tuko batoto ya Mungu. C'est terrible. Ah ni matata. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont adhéré à une église. D'autres croient qu'ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont pris part à la première communion. Mais ça ne veut pas dire des enfants de Dieu. Mais nous ici, on nous appelle enfants de Dieu et nous les sommes réellement. Vous le croyez? Derrière, vous croyez? Nous sommes appelés enfants de Dieu. On nous appelle frères. Et nous sommes réellement des frères. Pas parce que nous sommes au tabernacle. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes réellement nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une réalité. Ce n'est pas une fabrication. On ne se fabrique pas la nouvelle naissance. Mais on est réellement de nouveau. Lakini, nous sommes réellement nés de nouveau. Si tu es réellement né de nouveau, je te donne un petit test. Regarde ta vie actuelle et considère ce que tu étais dans le passé. Tu verras qu'il y aura une nette différence. Si cette différence-là n'a pas encore eu lieu, donc et là, où est justement mon petit amour? Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Non, mon frère. Non. Celui qui est devenu enfant de Dieu, ta vie a réellement changé. Nous, on nous appelle enfants de Dieu et nous les sommes réellement. Si tu refuses, prouve-moi le contraire. Parce que je connais ma vie. Chacun est témoin de sa vie. Chacun connaît ce qu'il était. Et il connaît ce qu'il est maintenant. Prouvez-moi le contraire. Parce que ce que je crois, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je crois. Si le monde ne nous connaît pas, même lui-même le Seigneur, quand il était sur la terre, dans le corps humain, le monde ne l'a pas reconnu. Cet homme-là qui marchait à Galilée, qui allait jusqu'à Bethléem, il était dans un corps. Il était un homme. Mais à l'intérieur de lui, c'était Dieu. Amen. À l'extérieur, il était un homme. Mais à l'intérieur, il était Dieu. Jésus, yes. Il était homme à 100%. Jésus, Yesu, il était Dieu à 100%. Alikuwa Mungu kabisa kabisa. En lui, ndani yake, il y avait l'humanité à 100%. Mulikuwa bumuntu kabisa. En lui, ndani yake, il y avait la divinité à 100%. Mwenye kuyala tele. Il était homme, alikuwa mtu, il était Dieu. Alikuwa Mungu. Et tous les deux marchaient ensemble. L'humanité et la divinité marchaient ensemble. En tant qu'homme, un jour, il était dans une barque. Et dans cette barque, Jésus était profondément endormi. Et la barque naviguait sur les eaux. Et à un moment donné, le vent et la tempête ont soulevé la barque. Les apôtres qui étaient là-bas, il y a des hommes qui étaient expérimentés sur les eaux. Ils savaient comment maîtriser la barque. Ils ont essayé. Et la vague devenait encore plus forte. Ils ne pouvaient rien faire. Ils se sont trouvés incapables. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait le Seigneur à côté d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont réveillé. Seigneur! Seigneur! Seigneur! C'est ça, frère. Quand vous avez des problèmes, des difficultés, vous n'avez pas de difficultés, faites ça, il résoudra. Akiria, quoi, il est Shimama. Mettez-le en Shimama. À la fois des passés, à ce que vous faites. En ce moment-là, criez à Jésus-Christ. Lui, il n'est pas loin de vous. Même lorsque les problèmes surgissent, Jésus est à côté de vous. Criez à lui, réveillez-le, il va se réveiller. Quand ils l'ont réveillé, Seigneur, il se réveille. Il dit, mais c'est quoi? Vous, hommes, de paix de foi, Dieu, La barque s'est stabilisée. Oh, tout le monde fatigué, dépassé. Et quand la tempête s'est calmée, les vagues se sont calmées. Ils ont dit, mais quel est cet homme? C'était ça la question. C'est quel est cet homme à qui les vagues et la tempête obéissent? Ce n'était pas un homme, ça. C'était Jéhovah. Il y avait en lui un homme. En tant qu'homme, il dormait. Mais il y avait Dieu. Et en tant que Dieu, il a calmé la tempête. Il a calmé les vagues. Il a apporté la tranquillité. Il a apporté la solution. Oh, que non, Seigneur, ton nom soit béni. C'est ça. Nous avons la divinité. Et nous avons l'humanité. Et l'humanité empêchait aux gens de voir la divinité qui était cachée en lui. Jésus, yes. En tant qu'homme, un jour, on lui apprend que son ami Lazare, son ami qu'il aimait beaucoup, on lui apprend d'abord qu'il est malade. Et quand on lui a donné cette nouvelle, il n'a pas fait cas. Avec les autres apôtres, continue à travailler. Puis après, une autre nouvelle arrive, confirmant que son ami était totalement mort. Il n'est même pas allé le même jour. Ils ont continué à travailler pour le royaume. Et après, il dit aux disciples, alors, réveille notre ami Lazare qui est endormi. Ils n'ont pas compris ce langage. Il est endormi, mais il va se réveiller. Où est le problème? Alors il a compris que ces gens ne comprenaient pas mon langage. Il a dit, alors Lazare est déjà mort. Ah, ok. Alors ils sont partis. Quand ils sont allés, ils sont arrivés à peu près 2 kilomètres du village. Et Martha, là où il était, il apprend que le Seigneur est en route. Il est déjà presque près d'arriver. Et s'est levé vite, il a couru à la rencontre du Seigneur. Et quand il arrive devant le Seigneur, elle dit, Seigneur, si tu étais là, pendant que ton ami était malade, il ne serait pas mort. Tel que je te connais, il ne serait pas mort. Mais malgré ça, je sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, toutes tes prières, Dieu t'exaucera. Jésus lui dit la première chose. Marthe, crois que je suis la vie, je suis la résurrection. Ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Elle a renvoyé ça au dernier jour. Mais Jésus, il n'est pas le futur. Il n'est pas le passé. Il est le présent. Je suis Nico. La vie. Je suis Nico. La résurrection. Ufufuko. Ton frère va ressusciter. Comme il était un croyant. Il avait déjà souscrit à l'assurance vie. À l'assurance vie. Il a droit à la résurrection. Sur la terre. À la sonnasse, il y a beaucoup de sortes d'assurances. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des moyens pour assurer sa mort et ses funérailles dignes. Alors il va directement souscrire à cette assurance de vie, à l'assurance, il paie des moyens et tout et tout. C'est-à-dire le jour où il mourra, c'est l'assurance qui prendra soin de tous ses funérailles. On ira lui construire une tombe merveilleuse avec la pierre tombale. Et tout c'est la force qui s'en occupera. Les gens de la terre, ils préparent leur mort. Mais nous les croyants, nous ne préparons pas la mort. Ici, nous ne venons pas pour préparer notre mort. Ici, nous venons préparer notre résurrection. Ah, ça c'est merveilleux. Quelle assurance, quelle sonnance qui prépare la rédemption. Si les gens pouvaient découvrir ce que nous représentons ici et ce que Jésus-Christ représente, ils viendraient tous souscrire à cette assurance, à cette assurance vie. Il est assurance vie. Oui, les autres préparent la mort. Nous nous préparons après la mort. C'est ce que nous préparons ici. Comme Lazare avait déjà souscrit à cette assurance vie. Jésus dit, il va ressusciter. Mais, comme il était dans un corps humain, il était homme, il avait l'humanité. Comme Marthe pleurait amèrement, avec angoisse, Jésus, en tant qu'homme, il a aussi pleuré. Il a frémi. Au-dedans de lui, même les gens le regardaient. Cet homme réellement, il aimait cet homme. En tout cas, il l'aimait. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a terminé à pleurer, comme homme, il a posé la question, où est-ce que vous l'avez mis? Allez-vous m'accompagner? Ils sont partis au cimetière. Frère, quand ils arrivent, il dit, ôtez la pierre qui est à la porte. Marthe dit, Seigneur, Marthe, ce n'est pas aujourd'hui ou hier que nous l'avons enterré. Ça fait déjà 4 jours. Nous faites attention, sinon nous allons causer un scandale. Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, est-ce que je connais? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, kama ndugu yangu naamini, tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu ya Mungu. Ote la pierre. Ondosha haribu hii. En quelque sorte, munamna ote l'incrédulité. Mutoshe kutokuamini. Si vous ôtez l'incrédulité, kama natosha kutokuamini, vous verrez la gloire de Dieu. Utaona utukufu ya Mungu. Quand ils ont ôté la pierre, wakati baritosha ile mlongo yeribu hii. Jésus, Yesu, a crié. Akalalamika. Ce cri-là. Il est l'alamiko. Le cri de commandement. Il est l'alamiko ya kuleta amri. Oh, ça sera merveilleux. Il est ya mastajabu. Ce cri-là. Il est l'alamiko. Nous l'entendrons un jour. Itaishikia siku moja. Il rétablira. Italalamika. Quand il rétablira. Na wakati itafanya. Le mort en Christ. Ya baigne kufa. Qui entendront ce cri. Bale batashikia le Dieu de la vie. Batarudia kubujima. Eh, par le même cri. Na mwine kulalamika moyo. Le vivant. Bale kwa. En Christ. Ndani ya Kristo. Se rotatiwe. Batageuka. Tout a badilika. Nous serons transmués. Humili. Yabulongo. Majani. Que la Bible appelle. Ce sont des temps. Si c'est des temps. Où nous habitons aujourd'hui. Et détruite. Sachez que nous avons un autre temps. Nous avons un édifice. Qui n'est pas l'œuvre de la main de l'homme. Non. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et quand il a crié, Lazare, sort, toka. Frère, donc, l'homme qui était déjà en décomposition, oza, pendant 4 jours, yine, l'homme est sorti, aritoka, vivant, mujima. Il est la résurrection. Yeye eko ufufuku. Croyez-le. Mwamini vile. Il est la résurrection. Yeye eko ufufuku. Même ce matin, ata ya subuhi. Il est la résurrection. Eko ufufuku. Il est la vie. Eko uzima. Amen. Ce sont ces deux choses que Jésus nous a amenées. Jésus, il nous a amené la vie et la rédemption. La vie se trouve dans notre âme. La rédemption va concerner notre corps. Si tu meurs, c'est dans ton corps que tu ressusciteras. C'est le même corps qui est mort, qui était enterré en décomposition, qui reviendra, mais glorifié. Amen. Frère, Dieu va glorifier nos corps ici. Ce ne sont pas d'autres. Le même corps que tu as là. Parce que tu sois dévoré par un simba. Si un lion te dévore. Et que tu ne te manques pas. Ou que tu meurs par noyade. On n'a pas résumé ton corps. Tu te décomposes là dans l'eau. Les poissons te consomment à l'intérieur de l'eau. À la résurrection. Tu es toujours le même qui reviendra dans un corps glorifié. Frère, que Dieu soit béni. Ne pensez pas que vous aurez un autre corps. Apana. Jésus, qui est mort dans ce corps-là, il est ressuscité avec le même corps, mais glorifié. Qu'on appelle le corps de résurrection. Et avant même de monter, il s'est fait voir pendant presque 40 jours. Il apparaissait parmi les disciples. On le voyait. Il y en a qui pensaient que c'était un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme. C'est un homme. Ce n'est pas un fantôme. Un fantôme n'a ni chair, n'a ni os. Moi, je suis là. Même les marques de sa crucifixion se trouvaient dans ses mains. Et quand on a rapporté ça à Thomas, qui ne croyait pas, on lui a dit que non, le Seigneur nous est apparu. Nous l'avons vu, c'est lui. Oh non! C'est pour que c'est un fantôme qui est apparu. Il lui a dit non, c'est le Seigneur qui est apparu. Et comme il ne croyait pas, un autre jour, il était en réunion. C'est pourquoi, c'est une très mauvaise chose. Ceux qui viennent en semaine, Dieu leur donne la révélation de sa parole. Comme Thomas n'était pas là, il ne croyait pas. Parce qu'il était absent. Il était absent. Ce jour-là, comme il était présent, je reviens. Il lui dit, Thomas, toi, qui ne crois pas, avance. Et tu as dit, moi, pourquoi il faut que je voie le maire, les marques de sa crucifixion, viens enfoncer même ta main dans tes marques. La vie, c'est même crié, oh mon Seigneur, eh mon Dieu, elle dit, oui, tu crois parce que tu as vu. Mais ceux qui croiront, sans avoir vu, nous n'avons pas vu Jésus dans la chair. Même Branham, nous n'avons pas vu dans la chair. Mais Branham, c'est un prophète. Branham, il a apporté le message. Il est en Jum. Le message apporté par Branham. Branham que nous n'avons pas vu. Pour nous, c'est un message. C'est Dieu qui a donné ça. Nous croyons sans avoir vu que ce sont des choses vraies. Mais frère, Jésus est la vie. Il est la résurrection. Il a ressuscité Lazare. Et quand il pleurait, c'était un homme qui pleurait. Mais quand il a ressuscité Lazare, là c'était Dieu lui-même. Il était homme, il était Dieu. Nous devons le croire comme ça. Amen. Amen. Et la Bible dit, dans 1 Jean là-bas au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, purifie comme lui-même est pur. Maintenant, pendant que je prêche, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais ce que nous serons, lakini kile tutakuya, n'a pas encore été manifesté. Aki aonekana bado. Dans notre expérience, nous sommes passés par trois stades. Nous devons passer par trois stades. Tunapasha kupitia kumabipimo bitatu. Premier stade, ya kwanza, c'est le passé. Ni mambo ya zamani. Deuxième stade, ya pili, c'est le présent. Ni mambo ya sasa. Et troisième leo, stade, na kimo kia tatu, c'est le futur. Ni mwenda mashiku. Un croyant, mwaminifu, il a un passé. Eko na mambo mwa ya yake ya zamani. Un croyant, mwaminifu, il a une expérience présente. Eko na onjo mwa ile eko na onja sasa hivi. Différente yenye kwa jana na ya zamani. Et un croyant, mwaminifu, il espère. Eko na tumaini. Être dans le futur semblable à Christ. Mais il croit que ce que je suis aujourd'hui n'est plus ce que j'étais. Est-ce que nous sommes là? Un croyant peut dire ceci. Je ne suis pas ce que j'étais. Là c'est un fait. Et je ne suis pas Mishina, ce que je serai. Kile mintakuwa. Je ne suis pas encore ce que j'étais. Shina tena kile mirikuyaka. Le passé, c'est le passé réel. Isha kuenda, isha kupita. Et ces expériences, na ile maonjo ile, Paul les avait aussi. Paulo naye alikuwa nayo. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, wakati tunasoma mu Efeso sura ya pili, on ne peut pas se dérober dans le royaume de Dieu. Non. Au premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce que cette écriture est réelle pour chacun de vous? C'est le passé. Regardez la forme de cette parole. Elle est écrite au passé. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Mungu mwenye kuwa mtajiri murehema, à cause du grand amour dont il nous a aimés, kwa ajili ya mapendo mkubwa ile alitupenda nayo, nous qui étions morts par nos offenses, shibale tulikuwa wenye kufa mu makosa yetu, nous a rendu à la vie, aliturudisha kubujima avec Christ. Na Kristo, c'est par grâce ni que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu n'as pas sujet de te glorifier. Tu te glorifies de quoi? De ce que tu as reçu? Par grâce? Tu n'as pas le droit de te glorifier de l'autre. Disons verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Mais le don de Dieu. ce n'est point par les œuvres. Aina kwa matendo. Afin que personne ne se glorifie. Tu hata mtu moya ashipate kujitukuza. Car kwa sababu nous sommes son ouvrage. Tuko kazi yake. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et tout le peuple dira Amen à ça. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est vrai. Ce n'est pas par les œuvres. C'est pourquoi on ne nous dit pas que nous devons commettre de bonnes œuvres pour être sauvés. Non. Nous commettons de bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés. Ce ne sont pas les œuvres qui viennent avant. Ce ne sont pas les œuvres qui précèdent le salut. C'est d'abord le salut. Quand Dieu vous sauve, par ça, par ce salut, il vous change. Et quand il vous change, vous devenez capable de faire les bonnes œuvres. Ah, que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe. Mon pasteur, Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. C'est à Dieu que la manœuvre est fabriquée. Nous, nous n'avons pas de matendo à kujitungia. Ah non. Dans la Bible, Biblia, la Bible avait déjà dit, Biblia, quoi ça vous sema? Mon nouvelle alliance. Dieu avait promis que mon nouvelle alliance. La nouvelle alliance. J'ôterai le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Quand je vous donnerai le cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Ah. Là c'est la nouvelle naissance. Dieu a promis qu'il fasse. Et il dit même que je ferai en sorte en quelque sorte je vous rendrai capable, je vous rendrai capable que vous signiez toutes mes lois. Je ferai en sorte que vous mettiez en pratique tous mes commandements. Dieu le fera. Si vous êtes sauvé, vous êtes capable de vivre la parole. Dans le mois d'août, tu qui es dans la montagne, a une fabrication locale. Le salut a ôté ça. Si vous êtes né de nouveau, tu ne peux pas être chrétien, avoir l'amour de Christ, en même temps, avoir la merci dans le cœur. Les deux choses à la même, au même moment. Ça ne fait pas rester là-bas. Ça ne fait pas. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes son ouvrage. Oui, ayant été créé en Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparé d'avant afin que vous les pratiquiez. Nous sommes l'œuvre de ses mains. C'est comme de l'argile entre la main d'un potier. Lui-même nous façonne. Lui-même nous modèle. Il nous donne la forme. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Nous devant la parole, nous disons Amen. Alléluia. Oui, ça c'est la parole. Nous n'avons pas le pouvoir de contester avec la parole. Frère Franck dit, il y a un péché dont un enfant de Dieu véritable est incapable, incapable de commettre. C'est quel péché? Un enfant de Dieu, il est incapable de nier la parole. Oui, et la main de Dieu, il peut fauter. Oui, il peut tromper. Oui, il peut nous commettre adultère. Mais quand la parole, elle frappe, il dira oui, je suis mauvais, je suis adultère, mais la parole, elle est véritable. C'est ça le signe d'un enfant de Dieu. Il peut broncher. Il peut rétrograder. Mais quand Dieu vient avec la parole, on tape sur sa vie. On tape sur la vie de cet enfant. Il est flexible. Il est flexible. Attachement Dieu, oui, ça ce n'est pas ma vie. Il reconnaîtra la parole. Et il reviendra. Que Dieu nous assiste. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Mais cela vient de Dieu. Un enfant de Dieu. Il reconnaît ce qu'il était. Oui. Notre passé. Nous le connaissons bien. Autrefois. Nous étions ivrognes. Autrefois. Parmi nous, il y avait des bandits. Mais autrefois, parmi nous, il y avait des prostituées. Mais Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu est allée vous chercher dans cet état où vous étiez. Il a coûté au sabot. Léo, voyez, pour couiller Kaaba, vous ne pouvez vous dégager fort. Est devenu saint. C'est l'œuvre de Dieu qui peut faire d'un bandit un enfant de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui peut faire d'une prostituée et une sainte de Dieu. Il n'a qu'à dire ce n'est pas l'église qui peut faire ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est pourquoi qu'il soit béni d'éternité en éternité. Pour avoir changé notre vie. Et quel est le témoignage que vous avez aujourd'hui? Votre témoignage? Mais lequel? Parce que si vous dites autrefois, si tu vivais autrefois en public, aujourd'hui, tu continues à voir, mais en cache-cache. Est-ce qu'il y a du passé pour cet homme-là? Est-ce que il peut dire autrefois? Non. Il n'y a pas d'autrefois. Même là. Où est-ce que c'est ma autrefois? Celui qui dira Zaman. C'est celui qui n'y est plus. C'est pourquoi on ne peut pas se glorifier de la grâce quand on vit encore dans les péchés. Où est un homme qui est ivre là, qui est en train de titiller. Il dit à titibara. Celui qui va parler de la grâce, c'est lui qui était dans cette vie et qui est sorti, qui est debout, qui vit droitement, qui peut dire, oh, mes chers frères, dans les temps, dans le temps, il est ma terrasse, chez Dieu, tu vas fournir. C'est nous qui fournissons. Dans le temps, dans les rues, c'est nous qui étions. Par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Voilà la grâce. Le témoignage d'aujourd'hui, c'est ce que Jean dit. Maintenant, quel est le témoignage? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'es pas capable de dire que je suis un enfant de Dieu pendant que je fais, c'est malheureux. Mais saisis cette occasion. Pour nous, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Paul donne encore un témoignage dans Galates, chapitre 2. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, nikiishi hapa sasa, témoignage hapa sasa. Isa c'est le témoignage de maintenant. Si je vis maintenant, kama niko naishi hapa sasa, dans la chair, mwili. Je vis dans la foi. Niko naishi muimani. Au fils de Dieu. Wa mwana wa Mungu. Qui m'a aimé. Una rinipenda. Et qui s'est livré lui-même na pour moi. Alitoa yeye mwenyewe juu yangu. La vie que nous menons aujourd'hui, nah, nous ne sommes plus encore dans le spirituel. Vous vivez encore dans la chair. Pendant que nous sommes dans la chair, nous vivons par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Et si vous vivez avec cette foi, vous vous rendrez compte que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est-à-dire, maïsha yako, aïna tena wejo kuna itawala. Ce n'est plus toi qui la domine. Ule kuna itawala, c'est Jésus Christ. Pour que Jésus domine sur ta vie, pendant que tu es dans la chair, il faut que tu vives par la foi au Fils de Dieu. Par la foi au Fils de Dieu. Amini kile neno la Mungu inasema. Uwasheke la parole de Dieu dit. Hata kilio kinakuya. Même si la vie le deuil arrive. Kilio akiwezi kutuambale. Même la vie le deuil arrive. Nous emporter. Non mon père. La parole de Dieu non. Chez Bote, tout qu'on a fichac. Tous nous avons perdu un membre de et nous perdons des membres chers de nos familles. Mais on ne peut pas s'emballer. Maïna Dieu a il est une espèce de coupitiche. Jamais. Apana. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Eh dada. Eh ma soeur. Qui est-ce qui est là? Un deuil survient. Mais nous l'avons mis sur la gauche. On enlève même toute la chevelure. Et tu es prêt à me dire que je veux une famille, je veux une famille. Je veux une famille. C'est comme ça que les hommes. Est-ce que tu es chrétien? Même lorsque vous êtes endeuillé, sachez que Jésus-Christ vient bientôt. Vous devez vous sanctifier. Que Christ vous trouve prêt pour l'enlèvement. On ne peut pas justifier une vie d'impur, impur, parce qu'on a usé. Parce que j'ai perdu mon mari. Oh, mir potesha bwana. Si ton mari meurt, kama mbwana yako na. C'est normal. C'est une kawaida. Aina wote wa kwanza. Na aina wote wa mwisho. Na pala dernière. Bantu bote batakufua. Tout le monde mourra. Mupaka pale yeso takuya. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Bale bataenda bajima, balenda bajima. Cela qui iront. C'est comme ça. La mort, c'est une réalité. On ne doit pas s'agiter. Au point où tu t'esprits, parce que tu es en non, non. Tu dois garder la parole de Dieu. Et on doit honorer Dieu. Non, non. Le témoignage actuel que nous devons porter, toi-même. On n'a pas ce qu'on veut les témoins. On n'a pas ce qu'on veut les tu dois témoigner toi-même. Comme Paul, Sao Paulo. Maintenant, ça. Ce n'est plus moi, Charles, qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Ushuda, tout véritable croyant doit les porter en lui-même avant le retour du Seigneur. Vous devez arriver au point de dire que moi, Rebecca, ce n'est plus encore ma vie de Rebecca qui domine. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu portes ce témoignage. Même si tu n'en parles pas par la bouche, mais dans ton cœur, tu dois être sûr, tu dois confesser la chose, tu dois être sûr en toi-même, qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, si vous portez ce témoignage, et que ce témoignage est réel, même les gens qui te regardent, ils verront ta foi. Ils diront, ce frère, c'est un chrétien. Cette soeur, Christ. C'est une chrétienne. Oui, on peut recevoir des témoignages venant des hommes. Mais la Bible dit, le témoignage là ne sont pas grands. Il est le témoignage de Dieu est plus grand. Les hommes peuvent te témoigner. Les pasteurs peuvent te témoigner. Et dans beaucoup de cas, on a été déçus. On avait exhibé des gens, on avait témoigné. Avec le temps, ces gens ont manifesté leur véritable face. Et ils sont retournés vite dans le monde. Nous sommes, qui le tuico, ce que nous serons, qui le tutakua, n'a pas encore été manifesté. Qui a oneka na bado, un croyant, mwaminifu, chaque jour qui passe, chivyo te konapita, il se trouve toujours insuffisant. Ye, ego ne jishike kapaka ashiniani. Il se voit toujours insuffisant. Eko paka na shika sa. Il désire être. Anatafuta kabisa kuwe. Il préfère la perfection. Ah, anapenda. Il préfère quelque chose qui n'a pas encore saisi. Yeah, c'est ça, un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu, yeah. Quand tout le monde est mort, mimi n'est rien à ça. Mais c'est pas la raison que même plus de raison pour tu t'es trompé. Et là, tu t'es doublement trompé. Chiquel connaissait ma sentiment de mon Christ. Écoute, je vais te dire. Il est venu à Paul. Philippiens chapitre 3. Philippe au tatou. Pour mieux comprendre, vous commencez à partir de cette tête. Mais, moi je prends à partir du verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Aina kusema minesa na kuwina yenyewe. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Wala minesa kufata yenyewe ukamilifu. Mais je cours. Lakini niko nakimbia. Pour tâcher de le saisir. Njia kufanya nguvu yangu yote nipate kushika. Oui, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Njuna mimi mwenyewe Yesu Kristo alinishika. Frère. Nduku. Je ne pense pas avoir saisi. Mishi wazia sema milisha kuipata. Mais je fais une chose. Lakini niko nafanya kitu kimoja. Oubliant ce qui est en arrière. Niko nasabu kile kilikuwa mkina kwa nyuma. Et portant vers ce qui est en avant. Na niko naangalia kule kile kile kuko mbele. Je cours vers le but. Niko nakimbilia kule kwenye. Pour remporter le prix. De la vocation céleste de Dieu. Ya ile mwito ya Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Paul. Il a expliqué. Paulo alifasilia. Si quelqu'un veut se glorifier selon la chair, il dit, moi je suis. Il donne ses expériences passées. Il dit, moi Paul, je n'étais pas n'importe qui. Même selon la loi, j'étais un pharisien. Et dans la société, un pharisien, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme considéré. Donc ils avaient un rang respectueux. Tu connais mon nom Mbalabala. Je n'étais pas un homme de la rue. Je ne suis pas venu de la rue. J'étais un homme honorable. Dans un rang supérieur. Selon la chair. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme une perte. Comme de la boue. À cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, elle vous a placé à un niveau très supérieur. Que tout ce que nous étions dans le passé ne valait absolument rien. Et alors quand Jésus s'est révélé à lui, il a eu cette révélation. Pour lui, c'était le top. C'était quelque chose de très supérieur. juru kabisa. Et il dit, na akasema, et d'être trouvé en lui, avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, na ile en Jésus-Christ. Dans le temps, il pouvait se glorifier de la justice qui venait de la loi, zamani, mais quand Jésus s'est révélé à lui, lakini Yesu, il pouvait maintenant c'est glorifié de la justice qui vient par la foi en Christ. Kwa ile uwaki inatokeaka kupitia afin de connaître Christ. Pate kumjua Christ et la puissance de sa résurrection. Na uwezo ya ufufuo. Voilà les choses que le Seigneur commence à lui révéler. Il voulait connaître la puissance de sa résurrection. Et il voulait aussi prendre part aux souffrances. Communier à lui. Et communier même à ses souffrances. Il souffrait avec plaisir. Vivre pour Christ, pour se conformer en toutes choses à Christ, et tous ses efforts là pour toi, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Là, il parle de la première résurrection. Donc, il a consacré sa vie au Seigneur. Il voulait être conforme à lui et vivre pour lui, pour parvenir à la première résurrection. Et vous savez que la première résurrection, c'est la résurrection des vainqueurs. Amen. La première résurrection, c'est pour les vainqueurs. Alors il voulait, il faisait ça pour parvenir à la première résurrection. Oui. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Quand il déployait les efforts pour parvenir à la première résurrection, il est en déployant tous ses efforts. Je ne dis pas que j'ai déjà atteint la perfection. Non. Je n'ai pas encore atteint. Mais je fais une chose. Je ne suis pas stagnant. Je ne recule pas non plus en arrière. Je cours. Alléluia. Amen. C'est vrai, on n'a pas encore atteint la chose que nous poursuivons. Mais un croyant ne reste pas stagnant. Un croyant ne retourne pas en arrière. Mais il court. Oui. Il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Un croyant, chaque jour, comme aujourd'hui, comme sont venus devant le Seigneur, nous avons fait un pas avant. Et si Dieu nous accorde encore la grâce de nous retrouver ici le mardi prochain, nous ferons un autre pas avant. Nous pouvons dire, aujourd'hui, je ne serai pas ce que j'étais avant-hier. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas encore atteint. Quand nous arrivons le mardi, Dieu nous parle. Nous rapprochons de lui. Nous aurons un bon témoignage. Ce mardi-là, nous ne serons pas ce que nous étions le dimanche. Nous allons de l'avant. Un croyant va de l'avant. Des bénédictions en bénédictions. Des progrès en progrès. C'est ça que nous sommes que nous marchons. Des lumières en lumière. De gloire en gloire. Si vous voulez être attaqué, nous allons comprendre. C'est comme ça. Alors dis, je cours pour lâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Mais pourtant ce qui est en avant. Diakoubou Kongo. Ce qui est en arrière. Il faut oublier ça. Il faut oublier. Après, on va dans ma rancune. Ne reste pas avec des rancunes. Il est mouillé. Jusqu'aujourd'hui, tu as les mêmes histoires. Fais pas toi les anciennes choses. Regarde en avant. Kumbele. Nous avons besoin de voir Jésus-Christ. C'est pas toi avec les histoires de. Il y a des soeurs par hasard qui ont deux qui sont au mariage à deux. Et ils s'embrouillent seulement dans le mariage. Entre elles. Elles s'embrouillent. Ils sont en train de se tirailler. C'est comme ça que vous allez même manquer l'enlèvement. Pour des futurités. Vous savez quel mariage, il n'y a pas pour longtemps, depuis que vous voulez vous l'aider. Sur la terre, ici, c'est Dieu ne nous a pas appelés. D'où tu as l'air, tonton. Pourquoi la Bibi. Dieu ne regarde pas ça. Si Dieu vous a appelés ici, c'est pour votre salut. Pour aller dans la gloire. Dieu ne nous garde pas ici. Tout le monde qui entreprise, tout le monde qui travaille, qui sont des ingénieurs. Avec nous par sa parole. Non, pas le roi. Et ça, son royaume. Quand Jésus viendra, il ne va pas te demander où va ton gars. Il n'a pas besoin même du mariage. Il n'a pas besoin même du mariage. Il a besoin que ton âme soit prête pour aller dans la gloire. C'est pourquoi Jésus disait, si ta main, droite devient une occasion de chute, vaut mieux couper la main. Vaut mieux voir qu'il y a un colomoya. Kolomoya mwingi mufal mekolomiri uchele wakone kufal. Que tu manques d'aller dans le royaume. Est-ce que Jésus parle de cette main ici? Yesu, Yesu, de couper la main mkono ici. Il dit, si ton œil devient une occasion de chute, il faut ôter ton œil. Vaut mieux va qu'il y ait manchot. Mieux vaut que tu sois borgne. Va qu'il y ait borgne. Borgne. Borgne, voilà. Mais où est le mbingu? Que tu aies au ciel. Où est la manche au biri? Au lieu d'être, d'avoir des choses et que tu puisses manquer. Il voulait parler de quoi? Par quoi qu'on a semé à Nini? Peut-être c'est le mariage. Peut-être ça zingi Nini Ndoa. Kamandoa. Si ton mariage. Il n'a qu'il y a occasion de chier. Deviens bâti, moué, yako, oué, njou, yako. Fombie. Nimuzuri. Kwatana Nandoa. Que tu puisses te séparer. Kubakia célibataire. Rester célibataire. Mais ukwe tayari kwenda kumbingu. Mais que tu sois prêt à aller au ciel. Kuliko kuya marié. Plutôt que d'être marié. Na kuchelewa kwa enlèvement. Et de manquer l'enlèvement. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. C'est ça, la kinini. Ndio yenye kinini. Kama kazi inakuwa occasion de chute. Pour toi une occasion ya kwangu. C'est bien. Ton travail. Kazi yako. Ne t'avance pas. Aïkwande, aïkwande. Aïkou permettre que t'aimes bien mon nom. Ne permet pas de. C'est une occasion de chute. Dans la fête de Dieu. Vaut mieux quoi ça dans les cases. Mieux vaut que te séparer d'avec ce travail. Bouya, moulofa. Que tu sois. Mais tayari. Mais prêt. Kwenda kumbingu. Pour aller au ciel. Kuliko. Au lieu. Kuya na kazi. D'avoir de. Kuya muzuri. Être muzuri. Dormir bien. Na kukosa kwenda kumbingu. Et manquer d'aller au ciel. Amen. Amen. Ce ne sont pas des paroles de richesse. Aïna maneno ya ni blague. L'enlèvement est plus important que toute autre chose. Kunyanyuliwa kuko kwa mafasa na kupita mambo yoyote. Donc un croyant. C'est-à-dire mwaminifu. Des progrès en progrès. Ya nendaka. Colossiens chapitre 3. Oh, mais excusez, je vais terminer. Premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie, mon frère, elle est cachée. Nous sommes cachés. Les chaussiers, nous sommes en Dieu. pas dans un éléphant. Notre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra, il va se manifester dans votre vie. C'est pour ça que Franck nous explique cette vérité. Quand Christ paraîtra dans votre vie, sera rendu visible et que tout le monde le verra dans ta vie, il marchera dans ta vie, il vivra dans ta vie, il marchera dans ta vie, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Il y a le préalable. Avant de paraître dans la gloire, il faut que Jésus-Christ, aujourd'hui, il apparaisse dans votre vie. Ah, que Dieu nous aide. Les gens ont vu Christ dans leur vie. Alors ils ont dit, voilà les chrétiens. Je vous lis la dernière écriture. C'est 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Shibota tous à kufa. Mais tous nous serons changés. Lakini shibote tutabadilishwa. En un instant. En éclair d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Vous irez lire la suite. Cet événement que nous attendons, c'est par là que je vais clôturer, ça va se passer en un clair d'œil. Ça ne prendra pas une longueur de temps. Ça ne prendra pas des semaines. Quand Jésus va s'engager pour venir nous chercher, la Bible dit, en un instant. En un instant. Au cri d'un commandement. Les morts vont ressusciter. Baf, banafufuka. À la vitesse. Kwa rapide. Piyu, kwa araka kabisa. En clin d'œil. Mukufunga tu na kufungula jicho. Et en un clin d'œil là. Na mule mukufunga na kufunguka. Nous qui serons restés vivants. Shiba le tetoka bajima. Nous allons changer. Tabadirika. En un clin d'œil. Mukufinyo kwa kuirina kufungula kwa jicho. Ce sont des événements qui se passent. Ni mambo kuna fashika. À grande vitesse. Biyo sana. La Bible dit, les dragons, avec ses anges, vont se dresser dans le ciel là pour empêcher notre départ dans le royaume. Au même instant, ce n'est pas Jésus qui va l'attaquer. Ça sera un archange, Michel. Qui sera envoyé avec une troupe de combattants. Il faut combattre les dragons et ses anges dans le ciel où ils vont dresser une barrière pour empêcher les fous de remonter. Et la Bible témoigne que l'archange Michel et ses anges seront plus forts et les dragons et ses anges seront précipités sur la terre et une trompette va sonner pour appeler les fous de monter et les fous à partir, nous ferons le croisement, les dragons en train de descendre, nous serons en train de monter. Ah, ça sera un bel instant. Il quoi tu ni mon dakika moya. Quand nous arrivons dans le paradis, wakati tunafika mparadiso. Les saints d'autrefois. Ba malaika ba zamani, Abraham, batakatifu ba zamani, Isaac. Et tous les saints. Na batakatifu. Qui avaient combattu en même temps. Qui seront encore, qui attendront, qui attendent encore maintenant. Dans le paradis. Mule mparadiso. Ensemble. Pamoja. Avec cette troupe. Na ile makundi ile. Nous allons monter. Tutapanda. C'est ça sera pour la première fois que les hommes et les femmes vont fouler les pieds. Ils vont fouler avec leurs pieds, les pieds. Nous allons nous retrouver là-bas. Oh, ça sera gloire. Ça sera glorieux. Vous savez, frère, quand nous serons au ciel, avant de passer au noce de l'agneau, Jésus, yes, va d'abord nous féliciter. Il va couronner chacun de nous kila mmoja wetu selon le travail kufuatana na kazi qu'il aura abattu sur la terre. Ile alikuwa anatumika pa dunia. Chacun de vous kila mmoja wetu sera appelé par son nom. Ataitwa kwa jina yake. Ah, que Dieu soit béni. Bwana apate kubarikiwa. Hii mambo ni ya kweli. Ça c'est la vérité. Kila mtu chacun kwa kile Yesu alikutaka. Kama vile Yesu gadi. Par jina yako. Patono. Vous êtes nombreux. Vous êtes mon Et l'homme n'avait pas répondu à cet appel. Tu étais le seul qui avait répondu. Ces jours-là, tu attendras ta voix. Ton nom, on t'appellera. Mungu atakuita pour ton travail, pour ta foi, pour ton zèle. Tu seras récompensé. Récompense. Dieu va amener conformément à ton travail. Le salut, nous l'avons obtenu gratuitement. Tu es sauvé par grâce. Et gratuitement. Même l'enlèvement. Ça sera par la grâce. Mais lakini, la récompense. Maripu. La couronne. Taji. C'est selon le travail. Ni kufatana na kazi yako. On va t'appeler Batakuita. Pour nos zèles que tu as eu. Tu as élevé vidéo quoi comme ça. Batakupatia. Taji yako. Chez Batumishi ya Mungu. Nous sommes des fidèles de Dieu. Au départ, nous sommes des enfants de Dieu. Kwanza mbele sio watoto wa Mungu. Na sisi tuliamini. Nous avons aussi cru. Tulijitoa. Nous sommes consacrés. Nous serons récompensés. Batetulipa. Mais pour le travail. Lakini nchi ile que nous faisons. Ile tuko natumika. Je payera. Mungu naye atalipa. Atatulipa. Il va nous payer. Et quand nous serons couronnés. Na wakati tutatiwa taji. Chacun sera couronné. Kila mmoja atatiwa taji. La sœur sera couronnée. Mule dada atatiwa taji. Mon frère sera couronné. Ndugu yangu atatiwa taji. Moi je serai couronné. Lui atatiwa taji. Tutasema mais nous dirons est-ce que nous avons fait des spéciales pour recevoir la couronne. Nous, nous ne méritons pas ça. Chacun va sortir sa couronne. Nous allons regarder dans la même direction. Et nous verrons cet homme de Galilée. L'homme qui nous a sauvés. Nous lui dirons à toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la richesse. À toi la force. Nous allons les couronner. Et à ce moment-là, il sera le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Voilà mon frère. Et la Bible dit, il y en a qui sortiront de l'Est, d'autres de l'Est, d'autres de l'Ouest, et nous serons maintenant à la table, à la même table, avec Abraham. Ça sera tout simplement merveilleux. Est-ce que vous désirez voir ce jour? Vous désirez participer à cet événement? Maranatha! Maranatha! Jésus vient. Et nous disons qu'il vient. Comme dans Apocalypse 22. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 22 dit ceci. Au verset 20. C'est lui qui atteste ces choses et dit. Oui. Je viens bientôt. C'est Jésus. Il dit oui. Je viens bientôt. Et nous l'épouse. Nous répondons. Amen. Amina. Viens Seigneur Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Restez avec la paix du Seigneur. Mubakie na salama ya Bwana.